Elle m'a dit, je suis pas ta pute. Moi, je lui ai fait, ah ah ah, tu fais du stop.